Je ne te citerai. Je ne te citerai ni les fleuves, ni les routes, empruntées par ces mots. Je ne reprendrai pas les paroles des hommes qui tonnent dans l'auberge. J'attendrai que la nuit fasse place aux flocons pour te donner le signe, pour que seul ton chant puisse inonder la plaine.